m'en fous de ta vie, encore plus de ta nana. J'en ai marre, toi, tu pleins de nanani nanana. Je suis neuf, je suis trop gentil, mais ça va péter, bande de bâtards. Je rêve des îles d'être loin de là, je déguste mon oasis ananas. Et j'ai frites sur le canard. Pourquoi tu trembles quand on se croise? J'sais même pas à l'heure qu'il est. Un jour j'ris, un jour j'pleure. Trop de mots sans frangin. Hôtel, tu cries, après tu pleures, t'as pas idée. Tu joues bien ton rôle, tu me fais de la peine. Après j'ai plus envie de te niquer. Poto sans toi viser, ouais ouais sans toi viser. Tu montes tout le monde contre nous, ça nous a même pas égratigné. Croyez pas que c'est fini, la vie ce n'est pas le ciné. Un jour vous allez plus me reconnaître, vous allez halluciner. J'pense à vous quand j'suis triste avec mon calumet. Pour avoir la paix des fois, le feu faut le rallumer. Ouais, faut le rallumer, j'trouve mon cœur, ça m'a ruiné. Ils tournent leurs vestes, elles sont mal lunées. Ce que je vis, c'est pas beau, que des traits, j'me souviens. Sont là tout auprès de toi, surtout quand ils souviennent. Ils m'ont tous trahi, mais t'inquiète, à part ça, ouais, tout ben. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là entre couilles, ici, sans sortir refait. Les jaloux veulent tout le temps savoir ce que j'ai fait. Et lâchez-moi les couilles un peu. J'contemple le quartier avec mon Oasis ananas. J'disais aux clients, y'a rien gros, vas-y va là-bas. Tes histoires on les connaît, sache qu'on avait pire. On veut vivre nos désirs, pépère loin de là. Franco, j'sais que j'ai trop les dents gros. Arrête de me jouer le Django. J'sais ce que je fais, j'sais ce que je fais. Plan foireux, pas grave, on passe au plan B. Musique play et bang. J'sais ce que je vaux, j'sais ce que je vaux. Moi j'm'en fous de ton idée, moi j'm'en fous d'être validé hein. J'sais ce que je fais, j'sais ce que je fais. On a tous des défauts, on a tous des qualités, frérot. J'sais ce que je vaux, j'sais ce que je vaux. Quand j'fais ça, j'les impressionne. Gauche, droite, gauche, il reste sonné. J'sais ce que je fais, j'sais ce que je fais. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, on va sortir les couverts, les gars. M'avais déçu. Vous m'avez déçu. Comptez sur vous et je croyais que vous aussi se reparler c'est impossible. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Quand je l'invente, tum, que je le mets en écran, t'inquiète pas. J'sais ce que je fais, j'sais ce que je fais. Quand je pense que vous savez manger à ma table, bande de bâtards. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là entre couilles, ici sans sortir refait. Les jaloux veulent tout le temps savoir ce que j'ai fait. Et lâchez-moi les couilles un peu. J'contemple le quartier avec mon Oasis ananas. J'disais aux clients, y'a rien gros, vas-y va là-bas. Tes histoires on les connaît, sache qu'on avait pire. On veut vivre nos désirs, pépère loin de là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là entre couilles, ici sans sortir refait. Les jaloux veulent tout le temps savoir ce que j'ai fait. Et lâchez-moi les couilles un peu. J'contemple le quartier avec mon Oasis ananas. J'disais aux clients, y'a rien gros, vas-y va là-bas. Tes histoires on les connaît, sache qu'on avait pire. On veut vivre nos désirs, pépère loin de là.